Chapitre 10e. 5 heures. Très calme, ma résolution prise, je suis sorti de chez moi. Je suis allé tout droit chez cet homme. Je ne m'enorgueillis pas de mon courage. Il me semble qu'en ce moment, je n'obéissais plus aux suggestions de ma propre volonté. Quelque chose de plus grand, de plus large, de plus puissant me dominait et me poussait en avant. J'obéissais à une raison supérieure à mes raisons. J'étais l'instrument d'une justice plus juste que ma justice. J'ai sonné à la porte de la rue. Je suis entré dans la maison. La porte est retombée derrière moi. J'ai gravi l'escalier. Je devais être très pâle et pourtant toutes mes émotions s'étaient condensées en une énergie décisive. Un domestique annamite, ramené par Robert de l'Orient, m'a ouvert la porte. Je l'ai écarté de la main et délibérément j'ai ouvert la porte de la chambre où j'étais sûr de trouver cet homme. À ma grande surprise, il était debout en train d'écrire à son bureau. Il m'avait dit en effet qu'il se levait avec le jour, je l'avais oublié. À ma vue, il s'est dressé d'un bond. Je l'ai examiné un instant. Très blond, le teint d'un enfant, les yeux grands et teintés de gris, il a la physionomie d'un faible. « Vous ici » a-t-il balbutié. « Monsieur, lui ai-je dit, vous avez compris le sujet qui m'amène. Je pourrais vous tuer. » Il ne m'a pas laissé achever et faisant un pas vers moi, il a ouvert rapidement sa chemise, me montrant sa poitrine nue. Ma main a serré dans ma poche la crosse de mon revolver, mais ce fut tout. J'ai repris avec le même calme. Je ne m'abaisserai ni à l'injure ni même au reproche. Vous avez agi comme un malhonnête homme, en trompant non point un mari mais une femme. Ne m'interrompez pas. Seul, ici, j'ai le droit de parler. Vous avez dit, vous avez créé une femme que vous l'aimiez, que vous étiez prêt à tout sacrifier pour elle, à lui consacrer votre vie. Maintenant, répondez à cette question. Si le mari se tuait, l'épouseriez-vous? Ses yeux semblaient ne pouvoir se détacher des miens. On eût dit que je le fascinais. Il est possible, après tout, que la contention extrême de l'esprit produise un effet magnétique. Il se taisait. Je répétais ma question lentement, en accentuant les mots. « Vous tuez ? » fit-il. « Vous tuez ? » Ce n'est pas du mari qu'il s'agit. Sa vie ou sa mort doit vous importer peu. C'est d'elle qu'il y a lieu de se préoccuper. Quand vous lui avez dit que vous l'aimiez, vous aviez sans doute réfléchi à la portée de vos paroles. Quand on adresse de semblables protestations, quand on les confirme par lettre à une femme qui jusque-là n'a jamais faibli, c'est qu'on prend l'engagement d'honneur d'accepter toutes les conséquences de ses actes. De toutes les solutions possibles, un duel est la plus banale et la plus inutile. L'homme qui a tué l'amant de sa femme n'est plus un mari, mais un bourreau. L'amant qui a tué le mari ne peut plus rien pour le bonheur de celle qui l'a rendue veuve. Car l'épousa-t-il, il y aurait toujours entre eux l'image troublante de celui qu'ils auraient tué tous deux, l'une par sa faute, aussi sûrement que l'autre par son épée. Voici qui est mieux. Le mari peut disparaître sans que ni la femme ni l'amant sachent que sa mort est volontaire. En ce cas, le champ est libre, et le mariage, nécessaire comme l'accomplissement d'un devoir, est possible. C'est là ce que je vous offre. Donc, encore une fois, je vous demande si, le mari disparu, vous donnez votre parole d'honneur d'épouser la femme. Ma tirade que j'avais volontairement prolongée lui avait permis de reprendre possession de lui-même. « Mais, monsieur, s'écria-t-il, votre femme n'est pas coupable. Pas un mot de plus, lui dis-je. Réponse prouve que vous êtes un malhonnête homme. Monsieur, à l'ultimatum très net, très ferme que je vous pose, vous opposez un faux fuyant. Mais encore une fois, je vous jure que vous n'éprouvez qu'une seule crainte, celle d'être obligé de tenir les serments par vous prodigués à celle que vous trompiez sciemment. Lui consacrer votre vie, vous, la soutenir, la protéger, quand vous ne savez même pas vous conduire vous-même. Quand enfin, vous n'êtes même pas libre de vous engager, car si je ne me trompe, vous devez retourner prochainement aux colonies. En effet, j'attends à tout instant l'ordre du ministre. Il me fallut un réel courage pour ne pas souffleter ce misérable. C'est bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez vous mettre à cette table et écrire ce que je vais vous dicter. Je l'avais bien jugé, c'était un enfant. Sans doute courageux devant l'ennemi, car dans l'Indochine, il avait été plusieurs fois cité à l'ordre du jour. Il n'avait plus, dans une crise de la vie sociale, ni énergie, ni ressort. Je l'épouvantais, non parce que j'étais un homme, mais parce que j'étais le mari. De la main, je lui indiquai le fauteuil placé devant son bureau. Il s'y laissa tomber. Je dictais. « Madame, j'ai été coupable. J'ai été fou. j'ai oublié que je ne m'appartenais pas. Je reçois à l'instant même du ministre l'ordre formel de partir pour Saïgon. Je n'ai même pas le temps de chercher à vous voir une dernière fois. Je ne puis refuser. Il y va de tout mon avenir. Je vous renvoie vos lettres. « Mais je n'ai pas de lettres !» s'écria-t-il. Je le regardais en face. Il disait vrai. Je continuais. Donc, omettez cette phrase et ajoutez « Brûlez mes lettres. Et pour vous, et pour moi. » « Adieu, madame, et pardonnez-moi. Signez maintenant. » Il avait écrit machinalement. Quand il eut achevé, il relut les lignes tracées et poussa un cri. « Mais c'est horrible !» s'écria-t-il. « Elle me méprisera, elle me haïra. » Croire à la haine, c'est encore de l'orgueil. Le mépris suffira. Je ne vous donnerai pas cette lettre. Vous auriez tort. Car si vous n'obéissez pas de point en point à mes instructions, je rentre chez moi et je tue ma femme. Votre lettre me donne le droit. Vous commettrez un crime, car elle est innocente. Encore une fois, silence. Vous oubliez trop que vous devez être à mes ordres. Je veux que ce matin même vous quittiez Paris. Vous attendrez au port l'ordre d'embarquement. Comptez sur moi, vous le recevrez dans les 24 heures. Si vous écrivez un mot de plus, si vous essayez de revoir celle que vous avez trompée, je vous le répète, c'est elle que je tuerai. Refusez-vous encore d'obéir ? Il y eut en cet enfant une détente de l'être tout entier. Il cacha sa tête dans ses mains et pleura. « J'attends votre réponse, » dis-je encore sans me départir de mon calme. Il releva le front et me regardant dit « Je jure de vous obéir. » Pliez cette lettre et mettez l'adresse. Je me charge de la faire parvenir. Quand il la vit entre mes mains, il eut une dernière révolte. « J'ai trahi votre amitié, » s'écria-t-il. « Je suis un infâme, soit. Mais par ce que j'ai de plus sacré au monde, je vous jure qu'elle est innocente. « Veuillez donner des ordres, » lui dis-je, « pour que dans une heure vous ayez quitté cette maison. Je veux que dès ce moment, votre disparition soit un fait accompli. » Il voulait encore parler, s'épandre en protestation. Mais devant l'expression glaciale de ma physionomie, il comprit que toute parole serait inutile. « Dans une heure, » dit-il seulement, « je serai prêt à quitter Paris. » Je le connaissais assez pour comprendre à son accent que je pouvais être sûr de lui. D'ailleurs, je veillerais. La bataille que j'engageais était de celle qu'on n'a pas le droit de perdre, par respect pour soi-même.